Imneo. Imneo, votre émission dédicace sur Fréquence Vie. Imneo. Ta soirée de tous les vendredis, c'est sur Fréquence Vie, les 89.4 FM. Imneo, le symbole de notre communion fraternelle en Christ. La Côte d'Ivoire vibre aux couleurs de la CAN. Oui, tout est aux couleurs de la CAN. Et tu entends des personnes crier. Ah ouais, tu es inquiet. Et là, tu te rappelles que... Ah oui, c'est la CAN. Mais félicitations à tous les Béninois et leurs supporters. Et Yako à tous les Marocains et ceux qui supportaient le Marocain. Voilà. Vous êtes sur Fréquence Vie 89.4 FM. Et ce soir, mesdames et messieurs, nous voulons dire merci. Merci à notre Dieu qui nous permet donc de vivre ce mois de juillet. Nous voulons lui dire merci. Bienvenue au mois de juillet, bienvenue mesdames et messieurs. Alors pour ceux qui veulent bien évidemment passer cette soirée en notre compagnie, vous êtes les bienvenus, 89.4 FM. Vous pouvez nous envoyer des textos pour vos dédicaces ou bien on vous permettra d'appeler tout à l'heure pour dire merci à Dieu qui nous permet d'entamer ce septième mois voilà, de l'année 2019. Bonsoir et bienvenue. Excellent début de semaine, vous êtes sur Fréquence Vie, nous sommes vendredi. Et c'est Imneo présenté par Tao Daniel. Et vous êtes sur Fréquence Vie 89.4 FM. Et tout de suite, je vous envoie la première sélection signée Azav du Ciel pour dire merci à Dieu. Et nous l'avons expérimenté, il nous permet de vivre encore ce mois de juillet. Qu'il est bon, qu'il est bon. Je vous envoie Azav du Ciel, première sélection de ce vendredi. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. 24, 7 jours sur 7. Fréquence Vie 89.4 FM. Si comme moi tu veux dire merci à Dieu pour ce mois de juillet, bien tu es le bienvenu sur la radio Fréquence Vie. Et récemment j'apprenais avec mon frère Gaspard, il me disait Tao, est-ce que tu as appris cette information là où il y a des personnes qui sont mortes dans un bistrot, on parle d'empoisonnement. Nous avons parlé de 3 personnes, 3 morts, mais aujourd'hui on te parle de 15, 20 ou 30 morts là. Et bien nous sommes en vie. Nous voulons dire merci à Dieu qu'il est bon. Azab du Ciel sur la radio. Il a changé ma vie, il a changé ma vie, il a changé ma vie, Et nous vous permettrons dans quelques instants, mesdames et messieurs, de nous appeler en direct au 22 44 34 34, 22 44, 2 fois 34, vous dire merci à Dieu pour ce mois de juillet. Et pour ceux qui veulent nous envoyer des textos, si vous essayez de nous appeler, vous n'arrivez pas. La seconde option, eh bien un message simplement au 77 86 86 40, 77 86 86 40. Ou le 45 45 50 02, il est bon, Jésus est bon, nous sommes vendredi, nous sommes en juillet, bienvenue au mois de juillet. Aujourd'hui, j'élève ma voix pour chanter parce que j'ai compris que Jésus est bon. Azab du Ciel, extrait de son dernier album, L'envol de l'aigle. J'ai compris que Jésus est bon. Je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté. Il a changé ma vie. Rejoins l'ambiance sur ta radio Fréquence Vie 89.4 FM pour dire merci, merci Seigneur pour ce mois de juillet. Ah oui, tu me permets de vivre ce mois de juillet. Je veux simplement bénir ton nom. Tout à l'heure, on ouvrira le téléphone au 22 44 34 34 pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé l'application Voxem. Partez rapidement sur Play Store pour ceux qui ont Android ou ceux qui ont iPhone, c'est App Store. Vous tapez Voxem, ça s'écrit V-O-X espace M. téléchargeable sur Play Store ou App Store. Et lorsque vous avez l'application, vous renseignez les chants et vous ajoutez la radio Fréquence Vie comme radio favorite. Et puis, vous pourrez nous envoyer des messages vocaux, partager avec nous votre journée. C'est super, hein? On balance les mains! Ah bah c'est vendredi! Demain samedi, certains resteront à la maison, mais d'autres par contre seront là. Et bien demain, je serai encore avec vous à partir de 9h pour démarrer le samedi avec vous à 9h. Dis merci à Dieu pour ce mois de juillet. J'élève ma voix. Prépare-toi à élever ta voix pour dire merci Seigneur pour ce mois de juillet. Dans quelques secondes. Welcome everybody. Vous faites bien de nous suivre. Vous écoutez sur la radio fréquence 89.4 FM. Tout de suite, j'ouvre le téléphone. Mais même, je tiens à le rappeler. Alors ce soir, nous voulons dire merci à Dieu pour ce mois de juillet qui nous permet de vivre. Et on vous offrira des tubes pour dire oui, oui, merci Seigneur. Juste après, Azab du ciel, je vous envoie Tande du l'année. Il dit, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je traduis rapidement. Il dit en fait en substance que il l'a encore fait. Il le fait encore. Et il nous permet de vivre encore ce mois de juillet. Ah, merci Seigneur. Tandis l'année, direction United States of America, mesdames et messieurs. Welcome. Fréquence Vie. J'ouvre le téléphone à présent, mesdames et messieurs, 22-44-34-34, 22-44, 2x34 pour dire merci à Dieu pour ce mois de juillet. Et pour ceux qui veulent souhaiter un joyeux anniversaire à une personne, vous pouvez donc le faire en nous envoyant des textos au 77-86-86-40, 77-86-86-40 ou encore le 45-45-50-02. Si tu es dans ta voiture, que tu m'écoutes, bonsoir. Yeah, yeah, cause you're doing it all again. Crie avec moi. Tu l'as fait encore Seigneur. Bonsoir, bienvenue dans l'ambiance immédiate. Qui nous rejoint ce soir? Oui, ça va très bien, qui nous rejoint ce soir? Pasteur Mathieu, merci d'être avec nous ce soir. Alors, nous vous écoutons. Je sais que vous inaugurez les portes ouvertes maintenant du programme. J'ai fait l'inauguration, n'est-ce pas? Et je vais grâce à Dieu. Mais vous pourrez revenir en 19h, 20h tous les vendredis, c'est une soirée ouf. Nous nous vivons la joie d'être en Christ. Yes, tu l'as fait encore Seigneur, merci pour ce mois de juillet. Tu as envie de lui dire merci, eh bien appelle-moi ou envoie-moi un texto. Appelle-moi en direct au 22-44-33-34. Deuxième à nous rejoindre ce soir après le pasteur Mathieu, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue sur la radio, quel est votre nom? C'est Adrien Gaumont. Gaumont! D'accord, nous t'écoutons alors mon frère. Alors je voulais dire merci au Seigneur. Yeah. Voilà, pour ce mois de juillet. Voilà, je lui dis sincèrement merci pour la vie qu'il nous a donnée, pour la paix. Oui. Pour ma fiancée également. L'amour, voilà, pour son stage, elle ne sortait pas de temps, ça faisait quoi? Comment? Si elle ne sortait pas dedans, ça faisait quoi? Amour! D'accord? Et je bénis également le Seigneur pour vous, pour merci. L'émission. En tout cas, vous êtes plein de vie, ça se sent déjà dans l'émission. Merci. Et puis voilà. Merci beaucoup, mon frère. Merci, on est ensemble. Lève-toi et réjouis-toi, rejoins l'ambiance immédiate sur ta radio. Nous avons déjà reçu quelques membres de la famille immédiate. Yes, you do it all again. Il n'a pas changé, cher ami. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il le fait encore. Il te permet d'être en vie, tu lui mets aussi. Et puis pour ceux qui m'envoient des textos, envoyez-moi un seul message s'il vous plaît, parce que je reçois tellement de messages à la fois. Envoyez-moi un seul message, réfléchissez bien à qui vous voulez penser. 77 86 86 40 ou le 45 45 50 02 jeudi. 77 86 86 40 ou le 45 45 50 02. Yes, you do it all again. Allô? Allô? Le passeur Mathieu qui revient? Parce que il va plus m'exprimer. Ah oui, oui, effectivement. On s'est dit, attends. J'ai dit que j'ai dit grâce à Dieu pour le monde des jeunes. Yeah. La vie qui m'a apporté la santé à ma famille. Amen. Et à tous ceux qui sont auprès de moi. Et sans oublier vous aussi également. Merci. Vous n'avez pas la santé, vous ne serez pas là en train de nous servir. Que Dieu bénisse. Amen. Merci, passeur Mathieu. Ça nous fait plaisir, là. Le passeur, lui, est avec nous tout le temps, hein, tous les jours. Et j'aime cette voix-là, les amis. Tous les jours, le pasteur, il est avec nous, là. Trop cool. Alors, mesdames et messieurs, c'est la deuxième sélection. Nous sommes vendredi 5 juillet, oui. Nous sommes en juillet. Attends, ça passe vite, hein. Septième mois de l'année. Tout à l'heure, on va souhaiter joyeux anniversaire à des connaissances, là. Mais je vous envoie quelqu'un qui nous dit « Jésus, tu m'as aimé, oh, tu m'as aimé. » Nestor David, débarque chez vous maintenant. Jésus m'a aimé. Rejoins l'ambiance hymnéale pour dire merci à Dieu pour ce mois de juillet. Nous sommes à Yopougon-Toit Rouge avec le frère Anissé Crisoa. Il dit « Je dis merci à Dieu pour ce mois de juillet. Il m'a gardé en vie ainsi que toute ma famille. » Bonsoir Anissé Crisoa. J'ai reçu le texto 77 86 86 40. 77 86 86 40. Mon frère, ma soeur, tu n'as rien donné à Dieu, mais il t'a permis de vivre ce mois de juillet. Pourquoi ne pas lui dire merci? Et ça se passe en direct sur ta radio fréquence vie 89.4 FM. C'est Tidi Tao Daniel avec vous là. Hey, j'imagine les supporters des Béninois en train de danser. Et puis les amis, ce qui me fatigue dans cette histoire là, il y a des papas que nous n'avons jamais vu danser dans l'église. Mais parce qu'ils supportaient le Bénin, quand le Bénin a gagné, ils ont commencé à danser. Mais dimanche à l'église, ils dansent pas, hein. Ah, c'est quelle histoire, ça? Ou bien tu ne sais pas à quel prix tu as été payé ou tu as été racheté, Jérémy. On prépare les pas de danse du dimanche dans l'émission Hymnéo tous les vendredis à partir de 19h sur Fréquence Vie. 22 44 34 34 pour nous rejoindre en direct. On se moque de moi, on me traite d'enfant maudit. Les gens disaient que je t'aimais, vous êtes toujours derrière. Mes amis pensaient que rien de bon ne pouvait sortir de moi. Jésus t'a aimé, c'est la raison pour laquelle pendant que nous certains pleurent la perte de leurs proches, toi tu es encore en vie. Il t'a aimé, rejoins-nous sur la radio. Là. Je prends un autre, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Et vous êtes proche de votre radio ou pas? Non, la communication n'est pas bonne, éloignez-vous de votre radio et puis rappelez-moi, pardon. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais voir le soleil. Je ne savais pas qu'un jour. Et pour toi qui es malade, reçois la guérison. Dis merci Seigneur parce que je crois que je suis guéri, amen. Je ne savais pas qu'un jour. 22, 44, 2 fois 34 pour rejoindre l'ambiance idéale sur ta radio. Et bonsoir à tous ceux qui nous ont rendu visite là. Rama qui était avec nous aujourd'hui à la radio, bonsoir. Bonsoir, c'est pas bon, hein. Je sais pas quel est le téléphone que vous utilisez, mais la communication n'est pas bonne. Je suis l'héritier du roi des rois. L'héritier du roi des rois. Faut qu'on s'y vit. L'héritier avec le Christ. L'héritier du Dieu. Bonsoir, Tao Daniel. Bonsoir, Tao Daniel. C'est Herman Daniel. Hi. Ah, d'accord, mon nom à l'état civil même c'est Tao Herman Daniel. Toi tu t'appelles Herman Daniel. J'aimerais dire merci à Dieu pour ce mois de mai, pour ce qu'il fait pour moi et ce qu'il fait pour ma famille. Sois béni, bonne soirée, merci Homo. Deux fois Homo. Ouais, Tao Herman Daniel, lui s'appelle Herman Daniel, ouais. Il m'a aimé, oh. Et tout à l'heure on souhaitera joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui sont nées dans le courant de cette semaine, qui ont soufflé leur bougie. Il y a un qui est derrière moi déjà, Amani Samuel. Il y a Kenania, on fêtait l'anniversaire de Kenania le lundi dernier. La joie de vivre. Lundi, nous chantions joyeux anniversaire à Kenania. Le mardi, nous étions avec Amani Samuel. Est-ce que Kenania est baoulé? Parce que Samuel, lui, c'est un baoulé. 22-44, 34-34 pour rejoindre l'ambiance similaire sur la radio. Attention à vos oreilles. Check your speakers. Check your speakers. Check your speakers. Les amis, nous avons traîné un peu en Côte d'Ivoire. On vous a offert quelques tubes ivoiriens. On s'écoutait donc Azaf du Ciel. À l'instant, nous étions avec Nestor David. J'ai bien envie de partir en Europe, c'est bon. Il y a quelqu'un qui s'appelle Rija en Europe. Il dit, il siège au milieu de nos louanges. Ah, j'aime ce tube là. Je vous l'envoie maintenant sur la radio 22 44 34 34. Tu es en juillet, tu es en vie. C'est une grâce. Appelle-nous maintenant là pour dire merci à Dieu pour ce mois de juillet. 22 44 34 34. Rija sur la radio. Yeah. Bonsoir à Herman Daniel Gbaï, mon double homo. Allô. Allô? Oui, bonsoir, bienvenue sur la radio. Bonsoir, monsieur. La communication n'est pas bonne. Alors, dites, nous vous écoutons, quel est votre nom? Et puis, nous vous écoutons. C'est quoi, du quoi, Herman? Herman, d'accord. Merci, Homo, d'être avec moi ce soir. Alors, nous t'écoutons. Je viens, monsieur, à Dieu, parce qu'il m'a gardé pendant le mois de juin. Il a gardé ma famille, donc il dit merci à Dieu. Et maintenant, dans quel mois? Dans quel mois? C'est le mois de juin. Juillet, nous sommes en juillet maintenant là, Choco. Ouais, t'es rapide, hein. D'accord, merci Amo. Merci beaucoup. Il est là. Wow, je suis dans la joie. Oh, l'éternel est là. Je suis dans la joie. Ah, dis-le avec Rija sur la radio, oui, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Yes. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Yeah. Le Seigneur est là. Dans ma âme. Dans ma âme. 22-44-34-34, si vous n'arrivez pas à nous rejoindre en direct là, eh bien, vous avez l'option messagerie. 77-86-86-40 ou le 45-45-50-02. Balancez-moi un texto et puis je lirai votre dédicace là. Le peuple loup. Le peuple loup, Jésus est là, allô. Allô. Décidément, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? C'est faible et puis il y a un bruit là, il y a un bruit juste dans le fond. Allô. Oui, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Oh, oh, le Seigneur est là. Oh, oh. Est-ce que tu vis cette joie avec moi d'être en vie? C'est vrai, peut-être quelqu'un t'a injurié ou bien tu es malade, tu es victime d'injustice. Dis merci à Dieu, cher ami, parce que tant que tu es vivant, il y a encore de l'espoir, on le dit le plus souvent. Tu es en vie? Dis merci à Dieu. Et crie avec moi. Wow. Allô? Allô, bonsoir, monsieur Daniel. Bonsoir, Yishoko. Comment tu t'appelles? Bonsoir, Johanna. C'est qui? Johanna du côté de Faya, précisément à la cité ATCI. Cité ATCI, d'accord. Merci d'être avec moi ce soir, Johanna. Je t'écoute là. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je veux dire merci à Dieu pour ma guérison et de m'avoir gardé jusqu'en ce mois de juillet. Amen. Alors, tu t'es malade, tu avais quoi, Johanna? J'avais des choses qu'on appelle des plombs. Ce sont des choses mystiques qui tu paralyses aussi. Wow. Et Dieu t'a délivré. Ouais! Alléluia! Alléluia! Je suis dans la joie, Johanna. Oui, oui. Alors, hormis cela, qui d'autre tu veux penser, Johanna? Vous dites? À part cela, qui d'autre tu veux penser? Je veux penser à mon papa. ma maman et à vous aussi. Ah, merci Johanna, ça me fait plaisir. Oh, tu vas me faire pleurer. Merci Johanna, excellent week-end. Okay. Écoute, fréquence vie. Les amis, j'ai envie de penser aussi aux enfants. Il y a du Manigra Célicheba qui n'aime pas les chants, mais bon, moi j'aime. Il y a Mima Kofi aussi qui dit, Dani, vraiment ton chant là, c'est pour les enfants. Pour être vraiment un artiste, il faut avoir l'âme d'un enfant. Et le Seigneur même le dit, si tu veux être au paradis, tu veux accéder au royaume des cieux, il faut être un enfant. J'envoie Jeunesse en mission. Jésus est notre héros. C'est lui qui a bravé donc avec nous nos nuits où il y avait des cauchemars, tout ça. Et nous permet d'être encore en vie. C'est notre super-héros. Il est mieux que Spider-Man, Batman, tout ça. Une à une. Jésus est notre héros. Eh bien, pendant que d'autres sont en train de chanter, supporter des équipes, cher ami, lève-toi et crie Jésus est mon super-héros. C'est lui qui fait chanter les oiseaux. Ouais, c'est lui qui fait chanter les oiseaux. C'est lui qui te donne des rêves si beaux. C'est lui qui me fait sourire. C'est lui qui me fait sourire. Chaque jour, Jésus est mon super. Si tu m'écoutes, Benoît, bonsoir. Bonsoir mon frère Tao, moi c'est Madame Sibo Patricia, je rends grâce à Dieu pour le combat qu'il mène dans le secret, pour ma famille, pour ma nation. Merci, c'est notre super héros, Madame Sibo Patricia. Yeah. Lui veille. Hein. Yeah. Yeah. Mieux que Spiderman. Yeah. Yeah. Yeah. Bonsoir à tous les moniteurs. Yeah. Mieux que Superman. Il est mieux que Superman, bonsoir. Ouais, bonsoir Tao. Bienvenue sur la radio, quel est votre nom? Monsieur Yoboué. Monsieur Yoboué, excellent mois de juillet. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous voulez dire ce soir là? Oui, je veux rendre gloire à Dieu. Amen. J'ai été un peu éprouvé sur le plan santé durant le mois de juin. Là, ça va par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. J'ai été aussi éprouvé, mais ça va aussi. Yeah. Et nous rendons pour la famille gloire à Dieu. Amen. La guérison qu'il nous accorde, pour son soutien, pour sa protection. Pour toutes ses grâces. Yes, yes. Toutes ses grâces. Vraiment, c'est notre super héros. Hein. Il est mieux que Batman, etc. Là. Merci, oui. Monsieur Yoboué. Bonsoir à Benjarville. Yeah. Yeah. Yeah. Mieux que... Bonsoir à tous mes amis, les tout petits qui sont à l'écoute de la radio. C'est pour vous, ça. Et à tous les monies. Yeah. Mieux que Batman. Yeah. Yeah. Je laisse en mission. Mieux que Barbie. Jésus est notre super héros. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre nom? C'est moi, Lazare. Lazare, d'accord. Lazare, nous t'écoutons. Lazare, bienvenue sur la radio Fréquence Vie. Je suis à Benjaville. D'accord, on t'écoute donc, Lazare. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait sur ma vie. Amen. C'est tout? C'est tout, Lazare? Il a protégé ma famille. Ok. Il a protégé même... mes frères et soeurs. D'accord. Donc je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait. Yeah. Amen. Merci Lazare. Et puis excellent mois de juillet à toute ta famille. Check your speakers. Nous voulons remercier notre Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le meilleur, le véritable Dieu Jésus-Christ qui nous permet de vivre avec vous, chers amis, le mois de juillet. Alors je vous envoie la dernière sélection avant de souhaiter joyeux anniversaire à toutes nos connaissances. Laissez-moi voir. Eh bien, il est à Abidjan, il sera en concert live ce dimanche à partir de 15h au Palais de la Culture de Trècheville. Marcel Bangou, je vous envoie Je suis couvert, un tube qui demeure donc dans le cœur de tous les mélomanes à Abidjan et même à l'extérieur. Je suis couvert, Marcel Bangou, le concert est prévu pour ce dimanche à partir de 15h, entrée 10 000 francs et 20 000 francs. Tu n'as pas encore ton ticket, passe demain à la réception de la radio Fréquence Vie, 10 000 francs, 20 000 francs et on se donne rendez-vous dimanche. Yeah. Quand l'ennemi vient me séduire, la porte est scellée. Quand il vient troubler mon âme, la porte est scellée. Et pour ceux qui connaissent les paroles de cette chanson, chantez. La porte est scellée. Yélélélélélé. Scellé par le sang précieux, le sang de l'agneau. Quand les soucis veulent m'envahir, la porte. Bonsoir, je m'appelle Dépris Théophile. Je veux dire merci à Dieu de m'avoir gardé et me faire entrer dans le mois de juillet. Et il a donné la santé à ma mère. Merci Théophile. La porte est scellée. Bonsoir, quand la volonté est profonde, le courage se lève pour la soutenir. Les épreuves nous font réfléchir, la réflexion nous rend sage. Bon. Par le sang, je suis couvert. Oh, par le sang de l'agneau. Je suis couvert. Je dis merci au bon Dieu parce qu'il veille et continue de veiller sur ma fille et sa mère. Nul ne peut t'égaler, Seigneur Jésus. Romaric, il est à tes couverts. Shalom, je suis Gérieldo, je suis reconnaissant au Seigneur pour sa grâce dans ma vie et ma famille, à mes amours Anaël et Kenahel, il leur donne de croître en sagesse selon sa parole et surtout, joyeux anniversaire de mariage au couple pastoral, Nana King, Christ est notre héros, merci Gériel. Pour ceux qui veulent nous envoyer des textos, 77 86 86 40, 77 86 86 40, ou le 45 45 52. La porte est scellée. Quand vient le méchant voleur, la porte est scellée. Scellée par le sang précieux, le sang de l'agneau. Je suis couvert. Couvert par le sang, je suis couvert. Scellé par le sang de l'agneau, je suis devant ton hôtel, nouvel album disponible au kiosque de Fréquence Fille. Proclamez-le ! Alléluia ! Je suis ! Il sera donc en attraction, il ne sera pas seul ce dimanche à partir de 15h au Palais de la Culture de Trècheville. Marcel Bongo sera là, il est déjà à Abidjan et nous le recevons ce matin en direct sur les ondes de la radio. Il y aura Kone Fontali avec lui, il y aura Soul Winner Squire. Entrée 10 000 francs et VIP 20 000 francs. Et donc les tickets sont encore disponibles. Hein. C'est ce dimanche. Et Marcel Bongo est bel et bien à Abidjan. Je suis et ouais, tu as couvert, Jésus-Christ te protège, ami. Par le sang, je suis couvert. Chose, mais pas nous. Fréquence Vie 89.4 FM. Happy birthday to you, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire à Kenania. Joyeux anniversaire à Amani Samuel. Un joyeux anniversaire un peu spécial. Hein. Joyeux anniversaire à Kenania. On célébrait son anniversaire le lundi dernier. Fidèle auditrice et nous saluons toute sa famille. Joyeux anniversaire à notre technicien Amani Samuel. Et juste après donc je vous permettrai de danser avec nous les célébrer là. Kenania, Amani Samuel, j'ai calé un instru sur lequel vous danserez chez vous à la maison. Et pour ceux qui aiment Coco anniversaire là, ce sera aussi l'occasion pour vous de danser hein. avec eux, bien évidemment. Et voici le son. Et pour ceux qui veulent rejoindre le groupe WhatsApp, il y a de meilleure vie qu'en Jésus-Christ. Je vous donne le contact WhatsApp. 41 20 98 03. Il faut avoir plus de 20 ans. 41 20 98 03. Des personnes sérieuses, des chrétiens sérieux. 41 20 98 03. 41 20 98 03. Pour rejoindre, voilà, tout simplement, voilà, la famille, donc, la famille sur WhatsApp, simplement. La réjouissance se poursuit sur la radio. La joie d'être en juillet se poursuit sur votre radio. Fréquence Vie 89.4 FM, excellent début de week-end. Ben c'est pour Kenania et puis Amani Samuel, joyeux anniversaire encore. Et puis tous ceux qui sont nés dans cette semaine-là, c'est aussi pour vous. Hein. Voilà. Vendredi 5 juillet, le premier vendredi de ce mois de juillet. Ah ouais, c'est passé rapidement. Hein. Déjà, nous avons consommé 6 mois de l'année 2019. Regarde, fais un peu le bilan à mi-parcours de cette année 2019. Tu en es où? Ta position face à Christ, tu en es où? Nous sommes dans le 7e mois de l'année 2019. Regarde ta position, là, tu es où? Fais un petit bilan. Tu es où? On t'envoie maintenant Shekina pour dire merci encore au Seigneur. Bien-aimé, regarde, mais regarde à tout ce que Dieu t'a donné et ne pense pas à ce que tu n'as pas encore reçu et tu verras que d'un cœur... Et puis, joyeux anniversaire au couple pastoral, Nana King, voilà, joyeux anniversaire au couple pastoral. Je te suis reconnaissant. À l'infini, ils sont attendus à Marrakech, au Maroc, ils ont un concert là pour leurs 20 ans de carrière, le groupe Shekina. Bonsoir Taran, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie, que mes yeux voient, et pour tout ce qui est sur le point d'arriver. Je veux dire merci à Dieu, merci à Monsieur Miezan. Les inquiétudes au Seigneur m'avaient envahi. Bonsoir, bien-aimé Tidi, je dis grand merci à Dieu pour avoir gardé par sa main puissante ma famille et moi durant le mois de juin. Et je souhaite joyeux anniversaire à mon petit frère Bernard en avance, c'est pour ce dimanche-là. De la part de Madame Kwasi Estelle, eh bien la rediffusion de l'émission Hymnéon, c'est dimanche. Donc il aura l'occasion de l'écouter, là. Joyeux anniversaire à Bernard de la part de Estelle, Madame Kwasi Estelle. Bonne émission, j'aimerais donc la dédier à ma chantre Kelly, à Marc Corey, Danzo Mamadi Herman, manager donc de la chantre M. Kelly, hein, j'ai pas le nom, mais bon, mais voilà, donc M. Kelly à Marc Corey, tu as le bonsoir de ton manager Danzo Mamadi Herman. Comme un pestiféré, c'est toi Seigneur qui m'a récupéré, transformé. Le téléphone est ouvert à présent, 22 44 34 34, pour ceux qui veulent nous joindre en direct, 22 44 2 x 34. Et nos cœurs sont fermés, nos vies témoignent, nos voix proclament que Dieu est grand. Et nos cœurs sont fermés, nos vies témoignent, nos voix proclament que Dieu est grand. Nous voulons te dire merci Seigneur pour ce mois de juillet. Et nous chantons avec le groupe Shekina, 22 44 34 34. Regarde, tu es dans le mois de juillet. Ce n'est pas par tes propres forces, c'est Dieu. C'est le véritable Jésus-Christ qui te permet de vivre ce mois. Qu'est-ce que tu attends pour rejoindre l'ambiance immédiate sur la radio Fréquence des Bouddhis? Merci à Dieu pour ce mois de juillet 22, 44, 34, 34. Nous n'avons pas de mots pour te dire notre reconnaissance, Seigneur. Poussé par l'esprit, uni comme un seul homme. Oui, nous vous dit merci. Je te dis merci, Jésus, pour ce mois de juillet. 22, 44, 34, 34, je reçois les textos là, au 77, 86, 86, 40. 77, 86, 86, 40, ou le 45, 45, 50, 02. Bonsoir, Tidi, c'est Marie-Paul Ungata. Je bénis le nom de l'Éternel pour ma vie. J'aurai un an de plus le 23 juillet. Tchis, c'est loin, Marie-Paul Ungata, d'accord, d'accord, rappelle-le-moi. Seigneur, nos louanges à toi, Seigneur, notre adoration à toi, Seigneur. Nos louanges à toi Seigneur, notre adoration à toi Seigneur. Nos louanges à toi Seigneur, notre adoration à toi Seigneur. Nos louanges à toi Seigneur, notre adoration. J'espère que vous appréciez l'ambiance de ce vendredi 5 juillet 2019. Nous sommes très heureux d'être avec vous là. Et tous les vendredis à partir de 19h, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Tao Daniel Tidi avec vous. Ces soirées demain 9h, on démarre ensemble le samedi. Et les vendredis, lorsque on se donne rendez-vous sur la radio, on prépare, on apprête les pas de danse du dimanche là. Tout à l'heure, je vous envoie une autre sélection. Mais pour leur santé des joueurs, vous êtes en vie. J'envoie le bonheur chez vous. Caroline Kipré, elle arrive maintenant sur la radio. Excellent week-end, 22. 44, 34, 34, 22, 44, 2 fois 34 pour rejoindre l'ambiance immédiate. Prépare à... Le bonheur chez vous. Un festin de mets succulents. Un festin de... Bonsoir. Hello. Allô. Oui, bonsoir, bienvenue sur la radio, identifiez-vous. Bonsoir, monsieur. Quel est votre nom? C'est de la part de Mambo Tawa Florence. D'accord, nous vous écoutons. J'appelle de Yopougon Kouet. Ok. Vraiment, dans le mois de juillet, j'étais malade, mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a guéri. Amen. C'est pourquoi je remercie Dieu. Amen, amen. Vous souffriez de quoi? Vous souffriez de quoi? Angine. Angine. D'accord, mais là, ça va maintenant. Ça va. Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Alors, vous nous écoutez à Yopougon Kouet, hein? Ah, d'accord, d'accord. Vous avez le bonsoir de Landry, c'est un coiffeur, il est à Yopougon Kouet aussi. Là. Merci, merci beaucoup, excellent mois de juillet. Et nous voulons bénir le nom du Seigneur pour sa vie. Le bonheur chez vous. Tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, là. Le bonheur ne peut pas être chez toi. Vous voyez ce que nous voyons dans les rues. Là. Je me rappelle encore en 2014 ou 2015, j'ai changé avec, j'étais parti en mission à l'intérieur, donc à Yamoussoukro. Et j'aimais un humoriste américain. J'étais à l'hôtel lorsque ma fiancée ici à Abidjan m'envoie un texto. Dani, regarde, l'humoriste que tu aimais là, il s'est donné la mort. Il s'est pendu en fait. C'était un humoriste américain. Attends, je me suis dit, mais attends. Moi, c'était un gars qui vraiment, il était un grand animateur en même temps humoriste. Comment il peut se donner la mort? Je vérifie. En fait, pour avoir l'inspiration, il prenait la drogue, il vivait autrement, mais dehors, il faisait comme s'il était heureux, mais au fond, c'était faux. Donc, cher ami, n'oublie pas ce que tu vois. Non, non, non, non, non, c'est pas tout cela. Ils savent comment ils font pour avoir leur argent, ils paraissent dans le bonheur, mais dans le fond, c'est pas vrai. Vous aurez toujours valeur. Et venez-vous de votre radio et rappelez-moi. Bonheur chez vous. Oui, l'Éternel des armées. Bonsoir mon frère, que Dieu te fortifie et qu'il te comble de sa plénitude. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait et continue de faire dans ma vie et celle de ma famille. J'aime la présence divine de cette émission, me comble de joie. Merci à Jéhovah Jireh de la part de Romaric. Ah ouais Romaric, ça me fait plaisir de savoir que l'émission te fait du bien. Bonsoir à Tekoubé où nous retrouvons Romaric. Bonheur chez vous. Obéis à sa voix, obéis à sa voix. Allô, on en reparlera tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue là, quel est votre nom? Mon nom c'est Niami Roche. Ça s'écrit comment ça? Niami Roche. Niami Roche. Oui. D'accord, tu m'appelles d'où, Niamh Rose? Je vous appelle de Benjerville. Benjerville, ça va Benjerville? Ouais, ça va. D'accord, Dieu merci, on t'écoute alors, Niamh Rose. Ah, je bénis le nom du Seigneur parce que le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi dans ce mois. Amen! Parce que j'avais une forte migraine qui me fatiguait, mais le Seigneur m'a délivré. Donc je Alléluia! Ouais, depuis le son de Marcel Bongo, j'essaie de vous appeler pour chanter ce chant, mais... Ah ben attends, je mets une pause et puis tu chantes, d'accord? Je marque une pause et puis tu chantes, tu fais ton karaoké tranquille quoi, c'est bon? je n'ai pas les paroles, je ne mets pas le chant. D'accord, donc tu avais voulu chanter en fait avec Marcel Bongo. Effectivement. D'accord, donc si je ramène Marcel Bongo, tu peux chanter. Non, sans le son, je ne sais pas chanter. Mais d'accord, je demande si je ramène le son de Marcel Bongo, tu peux chanter. Oui, je peux chanter. Tu entends? Je suis couvert par le soin de l'agneau que je... Yeah. Tu entends en bas? Oui, j'entends très bien, j'entends. Mais voilà, tu peux chanter. Je suis couvert... Le soin. Oh non, je suis tellement joyeux. Merci mon frère, bonsoir à Majorville. Eh bien c'est pour toi ça. Je rappelle que le concert est prévu pour ce dimanche. Même nous poursuivons avec le bonheur chez vous, la chanson de Caroline. On envoie le bonheur chez toi. Et souvent, lorsque vous participez à des campagnes d'évangélisation où on parle de miracles, où on parle de bénédiction, de prospérité, les hommes de Dieu souvent ne te disent pas en fait que cher ami, pour espérer, quand on parle de voyage, ouais. Tu lèves la main, mais si ta vie n'est pas en conformité avec le Seigneur, avec ce que Dieu te demande, cher ami, on va prophétiser sur ta vie, ça ne va jamais se réaliser. Et donc, si tu veux le bonheur chez toi, commence déjà à appliquer les paroles, donc les commandements qui sont inscrits dans la Bible. Si vous savez l'écouter, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, bienvenue sur la radio, là. C'est Marie de Cocody. Marie de Cocody, d'accord. Marie, comment ça va? Ça va bien. Ça va très bien, d'accord. Merci de nous rejoindre ce soir. Nous t'écoutons, Marie. Alors, moi, je dis merci au Seigneur. Je lui dis merci de tout le fond de mon cœur. Parce que ça fait 20 ans maintenant que je suis au Seigneur, cette année 2019. Et je lui dis merci pour toute ma famille. Je lui dis merci aussi pour toute l'église de Jésus en Côte d'Ivoire. Amen. Sans omettre aussi tous ceux qui ne le connaissent pas, qui sont pas encore entrés dans la bergerie, mais qui vont bientôt rentrer par sa grâce. Amen, amen. Amen. Oui. Vraiment, merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup. La santé, ça va, non? Comment? La santé, ça va? Je n'entends pas. La santé, est-ce que ça va chez vous? Oui, ça va. D'accord. Dieu merci. Merci, Marie. Excellent mois de juillet. On envoie le bonheur chez vous. Bonheur chez vous. Écoute. Fréquence B. Je vous invite à écouter maintenant, découvrir ou redécouvrir ce groupe-là. Ils seront donc en concert ce dimanche avec Marcel Bongou, roi de Soul Winners Choir sur la radio. Écoutez ça, ce sera peut-être l'occasion pour vous de découvrir donc ce groupe-là. Ils seront avec Marcel Bongou ce dimanche. Rejoins l'ambiance immédiate pour dire merci à Dieu pour ce mois de juillet. Et rejoins la famille WhatsApp, il y a de meilleure vie qu'en Jésus-Christ. Tu nous retrouves au 41 20 98 03. 41 20 98 03. Il faudra plus de 20 ans. Saint-Esprit de Dieu, viens remplir le cœur de tes fidèles. Attention, nous sommes vendredi, je ne comprends pas, chers amis. Quand il y a une fête, un anniversaire, une dot ou un mariage, bal de fin d'année, tout le monde devient pudique en même temps. Je sais pas pourquoi. Tu vois, même les chrétiens, je me suis rendu à l'anniversaire d'une amie musicienne dans une église, là. Elle est musicienne dans une église, à son anniversaire, tu vois. La robe que la sœur a portée, une robe sexy. Et son gars aussi était dans le groupe, quoi. Ils arrivent, ils s'embrassent devant les invités. Et puis, ça ne choque personne, quoi. Tranquille, il dit, attends, c'est parce que c'est une fête ou bien? Mais voilà, par moment, à cause des fêtes, souvent on oublie qu'on est chrétien. 22-44-34-34, nous sommes vendredi, cher ami, n'oublie pas, c'est vendredi, oui, certaines personnes t'appelleront. Hein, c'est le week-end, tu fais comment, il y a position, hein? N'oublie pas que tu es chrétien. Moi, je suis dans la joie parce que je vis le mois de juillet avec vous. C'est une grâce de Dieu. 22-44-34. Bonsoir, Tao Daniel. Je vous dis merci au Seigneur pour la vie qu'il me donne et la santé et pour les membres de ma famille. De la part de Clarisse Bolli. Ils seront avec Marcel Mongou ce dimanche au Palais de la Culture de Dresville. Allô? Allô, bonjour Tao. Oui, bonsoir. C'est Monsieur Brou. Bienvenue sur la radio. Comment ça va? Ça va, Dieu, ça va. D'accord, alors. Alors, nous vous écoutons. Je dis merci à Dieu, c'est pas évident. Je suis resté dans le sommeil, mais moi, Dieu a permis que je me réveille. Oui, c'est pas évident. C'est pas évident. Mm-hmm. C'est une grâce. Oui. Il a permis que je traverse le mois juin. Je suis en juillet. C'est une grâce. Amen. Merci à Dieu pour la famille. Je dis merci à Dieu aussi pour la radio fréquence vie. Merci. Et la vie de Tao Daniel. Hey, merci mon frère, merci de penser à moi. Ah, vraiment merci, merci beaucoup. Plus 10 sur ta vie. Merci mon frère, excellent mois de juillet. On sort la mouchoir. Ils seront avec Marcel Bongou, là, ce dimanche au Palais de la Culture de Trècheville, Soul Winners Choir. Emmanuel est en train de manger ça. Bienvenue. Éloignez-vous de votre radio. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, éloignez-vous de votre radio, s'il vous plaît. Oui, j'étais là. Je ne vous entends pas, hein. Oui, allô. Oui, bonsoir, quel est votre nom? Oui, c'est Monsieur Guissot Abraham. Monsieur? Guissot Abraham. Guissot Abraham, d'accord, merci de nous rejoindre ce soir, Monsieur Guissot Abraham. Nous vous écoutons. D'accord, je dis merci à Dieu pour le mariage de mon frère chaque le jour le 8 ans, je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Et en même temps, je profite pour saluer mon frère bénédiction aussi. Que le Seigneur facilite aussi que cette année en tout cas qu'on soit sur Dieu. Amen, amen, amen, merci beaucoup. Je dis merci à la radio. Merci, merci, merci. Merci et puis merci de prier pour nous. Hein. Et merci de nous soutenir. Excellent mois de juillet. La rediffusion de votre émission Imlion, c'est dimanche à 16h00. Dimanche à 16h, la rediffusion de votre émission. Vous avez envie de revivre l'ambiance de ce vendredi? Eh bien, ce dimanche à 16h sur Fréquence Ville, la rediff. Bonsoir Tao, j'ai pas le nom, hein. Je viens de recevoir un texto 77-86-86-40. Bonsoir Tao, je vous ai dit merci. Ah ouais, c'est Clarisse Bolli, d'accord. Bonsoir Tao, je vous ai dit merci au Seigneur pour la vie qu'il me donne et la santé pour les membres de ma famille. Clarisse Bolli. Dans moins de 10 minutes, on se dira au revoir et j'espère que vous passez une agréable soirée. Je veux vous inviter, mesdames et messieurs, à vous tenir debout pour chanter Hosanna au plus haut des cieux avec Paul Baloche. Et nous voulons souhaiter bon rétablissement au patriarche Emmanuel Yao. Hosanna, Paul Baloche. Et là, c'est mon coup de cœur. Hein. J'aime ce titre-là. Hosanna. l'espoir est né. Musique. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Prépare-toi. Crions Anna, dis merci à Dieu pour ce mois de juillet, mon frère. Tu es le roi, le sauveur. 22 44 34 34 vous dit merci à Dieu pour ce mois de juillet ou bien envoyez-moi un message au 77 86 86 40 77 86 86 40 ou le 45 45 50 02. Entends le cri de tes enfants, père. Allô, tu es, il fait nuit, hein. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quel est votre nom? Ok, moi je veux participer un peu. Vous êtes... C'est quel est votre nom? Elia ou Elie. Elie, d'accord, bienvenue sur la radio, Elie. Nous t'écoutons alors, Elie. Alors, j'aimerais dire merci à Dieu durant le mois de juin pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour ma famille et mes enfants. Ok. Vraiment, grâce. Tout le monde se porte bien? Oui, oui. D'accord, d'accord. Alors, ça va, hein, ça va. Oui, ça va. D'accord, d'accord, d'accord. Merci beaucoup, Elie. Et puis encore, excellent mois de juillet. Que l'Éternel te comble de ses grâces encore. Merci, Elie. On le dit ensemble. Hosanna. Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur, Éternel. Merci pour ce mois de juillet. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur la radio. Quel est votre nom? David Juliossi. David Juliossi, comment tu vas, mon frère? Super, ça va super bien, Dieu merci. Ouais. Là. Tu es où? Je suis à Port-Boué. Port-Boué, hein? C'est ça. D'accord, d'accord. Alors on t'écoute, David Julio aussi. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Et chez vous, ça va bien? Yeah, super! Tu ne le sens pas, David? Ok. Et alors, super selon, content. Voilà, selon ce que vous avez demandé, yeah. Je dis merci à Dieu pour ce mois de juillet. Yeah. Voilà, je bénis le nom de Dieu pour ce qu'il fait dans ma famille, mm-hmm. Et ce qu'il a commencé et qu'il va achever. Amen. Voilà, et selon la parole de Dieu, selon mon observation aussi, oui. Le septième jour, la Bible dit Dieu s'est reposé, et nous sommes dans le septième mois, je voudrais que Dieu permette que ce mois soit le mois de repos. Amen. Voilà. Ah non, le bon repos, hein, David. Oui, le bon repos. Ouais, bon d'accord, repos. C'est mieux. Hein. Ouais, repos. Enfin, tout ce que je travaille, il faut que vraiment je profite. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est dans ce sens-là. Ok. Merci, voilà, donc, Dave. Merci beaucoup. Merci, David. Excellent mois de juillet, mon frère. En ta présence, nos craintes fuient. On le dit ensemble. Vous avez le bonsoir de Gaspard. Vous avez le bonsoir d'Emmanuel. Hosanna. Tu es le roi. Le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Merci Jésus pour ce mois de juillet. Tu nous permets d'être en vie. Bonsoir Tao Daniel, moi c'est Kodjo Sarah. Je veux remercier le Seigneur car j'ai été première de ma classe. Et merci pour la santé de ma mère. Félicitations à toi Kodjo Sarah, elle était première. C'est bon de voir les chrétiens premiers là. Félicitations à toi Sarah. Moi c'est Jama, je dis merci à Dieu pour ma santé. Merci Seigneur pour la santé de Jama. À toi la gloire et l'honneur. À toi la gloire et l'honneur. Crie avec moi, Hosanna. Nous t'accueillons Je souhaite joyeux anniversaire à ma petite sœur chérie Amandine Kwame de la part de sa grande sœur Esther Kwame. Joyeux anniversaire Amandine Kwame. Joyeux anniversaire Amandine Kwame de la part de ta grande sœur Estelle Kwame. À toi la gloire et l'honneur. Je vous voyais, mesdames et messieurs, je disais, c'est mon coup de cœur parce que tous les matins à mon réveil, quand je veux bien entamer la journée, j'écoute Paul Baloche. Hosanna, tu vois, oh, je crie, je me libère, quoi. Je libère, je dégage la vie, oui. Attends la gloire et l'honneur, Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, c'est la dernière sélection, là, nous voulons dire à tous ceux qui sont à l'écoute de la radio, peut-être tu es notre dévancier dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est une grâce. Tu es en vie, c'est une grâce, faut pas t'enorgueillir. Dieu te permet d'avoir les moyens, c'est une grâce. Faut pas être avare, faut pas être méchant. Il y a des frères dans l'église qui souffrent. On envoie tout chez le pasteur. Est-ce que donner toutes les offrandes au pasteur, là, c'est ça qui est servi Dieu seulement? Il y a un frère qui a besoin d'argent, aide-le aussi. C'est une grâce pour toi d'être riche. C'est une grâce pour toi d'avoir des talents. C'est une grâce pour toi d'être intelligent. Partage. Parce que la bénédiction devient une malédiction quand c'est pour toi seul. Je t'envoie Zeresh Acapella, ils nous disent, c'est une grâce, quoi. Nous sommes chrétiens, c'est une grâce. Tu es en vie, c'est une grâce. Ne faut pas t'enorgueillir, quoi. Dernière sélection pour vous dire excellent mois de juillet, Zeresh Acapella, album disponible ici même au cœur de la radio Fréquence Vie. C'est une grâce. Pour Paul Nadine. Chante. Alléluia. Voici la louange de la... Être un enfant de Dieu est une grâce, merci et un privilège. Bonsoir à tous les enfants de Jésus-Christ. Dali Jean-Claude Riviera de Cocody. Lorsque j'étais perdu, aveuglé du péché, je ne savais. Bonsoir Tao Daniel, je rends grâce à Dieu pour ma famille, de la part de Anicette de Cocody. Anicette de Cocody donc. Il a changé ma vie. C'est une grâce de notre Père, c'est une grâce de voir ce mois de juillet, c'est une grâce. Faut pas faire malin. Tu es belle là, c'est une grâce. Ah, il y a pas ça qui disait, c'est maintenant là que la beauté là, c'est éphémère, ça disparaît. Aveuglé du péché, je ne savais que faire. Mais un jour, j'ai rencontré la goutte à peine, le sac à Kibali, aveuglé par l'alcool. Je commence la matinée de demain avec vous, samedi week-end de vie à partir de 9h sur Fréquence Vie. Hein, je serai là encore avec vous demain à 9h. Éclairé, Jésus a changé ma vie. C'est une grâce. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Il est presque 20h. On s'est dit au revoir. Excellent mois de juillet. N'oubliez pas, restez branchés Fréquence Vie 24h sur 24. 7 jours sur 7 et vous recevrez le bonheur chez vous, Jésus-Christ, le seul bonheur. Sur Fréquence Vie, Hymnéo. Ta soirée de tous les vendredis, c'est sur Fréquence Vie, les 89.4 FM. Hymnéo, le suivant. Fréquence Vie, il est 20h sur la voix qui dit Dieu vous aime.